Page 55. Activité 4. Piste 42. A. Nous sommes petits tous les trois. B. Alice et toi, vous êtes françaises? C. Nam et Envy, ils sont vietnamiens.